Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Ce soir, nous ouvrons les fenêtres autour du blues, n'est-ce pas Francis ? Ouais, c'est bon d'ouvrir les fenêtres un peu. Oui Cédric, en effet, ce soir, ce sont celles d'un univers folk. Et je dois dire que l'artiste que nous recevons est une bien agréable surprise. Derrière ce nom, Zachary se cache une voix feutrée et envoûtante sur des airs de folk music avec... Allez, je me lâche un petit rien de Donovan parfois. C'est pas faux, mais ce sont aussi des textes poétiques, parfois mélancoliques, sur des mélodies délicates qui sont sublimées par deux musiciens qui sont avec lui. C'est aussi un artiste aux multiples facettes que nous allons découvrir ce soir. Son album est d'une beauté époustouflante, en effet. Sur la scène du Blues Café, voici Zachary d'Angouin au chant, à la guitare et peut-être au banjo. Je ne sais pas s'il aura le banjo ce soir. Teddy Elbaz au clavier et Fred Bruce à l'harmonica et à la guitare. Voici Zachary. Kill the white man yet. Why all this guy did not kill the white man. Why all this not not kill the white man yet? Why all this sand did not kill the white man? Why all this sky did not kill the white man yet? Why all this sky did not kill the white man? Da da da da da da da da da. Il s'appelle Zachary et il est ce soir avec nous au Blues Café. Nous sommes au Millennium de l'île d'Abo. Bon, bonsoir à tous, merci beaucoup. Je m'appelle Zachary. Voici Fred Bruce, s'il vous plaît, à l'harmonica. Voici Teddy Elbaz. I can see her becoming a woman. Won't won't you tell me what will I do if she chooses me? Il s'appelle Zachary, son nouvel album, son premier album s'appelle Giant Bear. Il vient juste de sortir et on va demander à Zachary de nous rejoindre ici. On va justement parler avec lui de ce nouvel album. Tout à l'heure, Zachary, avec Cédric, nous disions que tu étais une belle découverte. On se demandait simplement comment tu avais pu résister ainsi aux médias que nous sommes, aussi longtemps. Modestie d'artisan peut-être, non ? Non, c'est surtout que j'étais pas au courant il y a peu de temps. Que tu étais artiste. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est une vocation tardive. Non, je sais pas, tout ça m'échappe beaucoup. Ça s'est fait très naturellement en même temps. C'était pas préparé, pas trop réfléchi. Mm-hmm. On sent bien en tout cas que tu t'inscris dans la lignée des songwriters. Tout à l'heure, j'étais un peu comparé à Donovan, mais il y a aussi du Cat Stevens. Il y a plein d'autres gens comme ça, enfin, ça nous fait quelque chose là en écoutant. Mais la musique reste assez moderne hein, malgré tout. En tout cas, nous, on a trouvé. Est-ce que ce sont les touches d'électro, peut-être, les arrangements, le clavier, le travail du trio? Comment tu expliques ça? Alors électro, je crois pas, parce que je crois que c'est pas du tout électro. Enfin, pour moi, les choses sont vite électro, mais pas pour Teddy, par exemple, qui voilà. La modernité, non, je sais pas. Non, tu trouves pas. Moderne, je sais pas, ça dépend. Il y a des gens qui peuvent trouver ça très, très désuet, je crois, comme musique, ou du moins peut-être suranné. C'est très subjectif. On peut peut-être demander justement à ton collègue. Teddy. Oui, alors en tout cas, moi, quand je travaille avec Zachary sur ses chansons, je pense vraiment à napper avec des choses autour qui vont pas forcément être tout de suite compréhensibles. Et qui peut-être peuvent à l'oreille sonner moderne, mais en tout cas moi mon but c'est vraiment d'être autour et de remplir l'espace qui est un petit peu vide et c'est tout. Donc je le pense ni en modernité ni en, je le pense vraiment en volume. Voilà, en termes de son, de spectre quoi. Voilà. Mais par contre j'utilise et des instruments anciens et des instruments modernes. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment plusieurs influences dans ta musique. Francis parlait effectivement de la musique folk. On a aussi du blues derrière, il y a aussi du rock. C'est quoi tes principales influences au final ? Moi, j'aime bien les choses plutôt douces. J'aime bien les gens seuls en scène, j'aime bien la guitare. C'est vrai que si tu m'avais dit « je suis fan de métal », j'aurais été un peu désarçonné. Mais j'ai eu une grosse période hip-hop quand même. Sinon, influence, j'ai mon papa. Surtout qu'il y a une influence et en quoi depuis que je suis petit. Hein, je le connais depuis longtemps. Et ah oui, Romain, lui aussi, il te connaît depuis longtemps, d'ailleurs. Oui. Voilà, lui, il est très ancré dans le folk. Du coup, j'ai été bercé par Neil Young. Moi, c'est le nom que je ressors un petit peu de ce grand et magnifique chapeau. Ce serait Neil Young. Alors, bon, il y a aussi cet effet de douceur, voire de tendresse dans ta musique. C'est soyeux, si je puis dire, avec... un brin de nostalgie aussi, parfois. C'est doux-amer. Doux-amer. Doux-amer, c'est très joli d'ailleurs comme expression. Le folk te réussit bien finalement. Est-ce que tu es un romantique dans l'âme? Ça dépend à qui vous posez la question. Bon, tu veux dire quoi? Ton contrôleur fiscal? Je ne dis rien du tout, ne me fais pas poursuivre sur ce sujet, s'il te plaît. Si c'est ses ex, elles diront peut-être que non finalement. Si on remonte le temps, pas très loin, où tout a presque commencé pour toi, tu as commencé à composer des chansons en duo avec un dénommé Ismaël Ziani, j'espère que Ismaël je Ziani, me tout à fait. Trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire qui était-il? C'est un ami. C'est très bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ça commence souvent par des amours déçus, de la tristesse. Et c'était un hiver particulièrement rigoureux pour nous deux. Et on s'est mis à écrire des chansons, d'abord juste histoire de se réconforter et d'être des bluesmen solitaires. Et en fait, sans s'en apercevoir, cet hiver a été très rigoureux, donc il y a eu beaucoup de chansons, en fait. Donc un répertoire est né de cette dépression, hein. Et du coup, à la fin, on était contents et fiers de ce qu'on avait, et du coup, il a fallu que j'aille sur scène, alors que c'était pas du tout mon intention. Non, c'était pas prévu. Puis alors, en 2016, il y a eu un choc terrifiant, t'as rencontré Fred Bruce. Alors, tout à fait. Ça a été très douloureux. Pas du tout. Jamais. Jamais. Et encore maintenant, c'est tout en douceur. C'est facile avec Monsieur Fred Bruce. Alors Fred, on le connaît depuis très très longtemps. Il est déjà venu d'ailleurs dans le Blues Café. Fred, tu peux prendre le micro et nous expliquer comment s'est passée cette rencontre et comment tu as adhéré à un univers qui est quand même pas tout à fait le tien habituellement. Eh bien, j'ai rencontré Zachary une après-midi d'été. un jour de dépression. Non, hiver. Tout allait bien, je venais d'aller me baigner. Et on m'avait dit, viens poser quelques notes d'harmonica sur le morceau d'un copain. C'était un autre copain qui m'avait dit ça. Et je connaissais pas Zachary, je suis arrivé, je m'attendais encore à un mec qui avait vu Sergio Leone et qui voulait l'harmonica de Sergio Leone. Et puis le gars, il commence à jouer, et là je me dis, waouh, pas mal. Il continue, je me dis, vraiment bien. Et on fait le morceau. En plus, c'était une vidéo, ce qu'il m'avait pas dit. Donc ça commençait fort, hein, direct une vidéo. Et j'étais en débardeur, j'avais transpiré, tout allait. Hein. Il m'a dit non, c'est super comme ça. Ça donne un genre. Et on a fait trois prises. La deuxième, je me suis dit, ah, mais il est vraiment bon. Et la troisième, je me suis dit, mais d'où il sort ? Et là, je me suis inquiété. J'ai dit, attends, s'il y a des mecs comme ça à tous les coins de rue. En tout cas à Lyon. Ouais, ouais. Et renseignement pris, non. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la scène et tout. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Et c'est une perle, je peux le dire. Et je sais de quoi je parle. Tu l'as payé ? Moi, je suis très très content de jouer avec lui, voilà. On a déjà dit, il y a de la douceur, tout ça. Mais la décontraction, c'est quelque chose qu'on atteint avec beaucoup de temps, normalement. Et lui, il est arrivé, paf, décontracte, la voix posée, le jeu aéré. Bravo. Mais si je peux dire un mot, c'est vraiment, moi j'apprends la scène avec Fred et Teddy depuis moins longtemps, mais j'apprends vraiment la scène grâce avec lui, quoi. C'est au top. Enfin, les deux personnes ici sont vraiment des musiciens pas du tout comme les autres, et j'en ai vu beaucoup des musiciens avant pourtant d'être musicien moi-même, et pourtant ils sont très très particuliers, alors, très singuliers. Justement, on a parlé un peu de Fred Bruce tout à l'heure, on a évoqué avec toi Teddy ton clavier, mais Teddy, d'où viens-tu, toi aussi? Parce qu'il me semble qu'au-delà des claviers, tu fais les arrangements aussi. Oui, alors d'où je viens, j'habite à côté de chez Zach, en fait, c'est pour ça. Voilà, vous achetez votre baguette ensemble. Et... 34, 36, et voilà, on s'est rencontrés. En fait, de toute façon, moi, je suis un accompagnateur avec pas mal de gens, et je pense que ça fait partie de mon métier d'accompagnateur, d'être arrangeur. C'est quelque chose qui se mêle, en fait, ça va ensemble. Donc oui, avec Zachary, je pense que je fais des arrangements, mais en tout cas, je le pense pas comme ça. Je le pense comme j'ai dit tout à l'heure, quoi. Vraiment que c'est... Je me mets là où il y a de la place. Mais moi, je crois que j'aime bien l'écouter tout seul aussi. Ouais. T'es comme un architecte aussi, quand même. Tu bâtis un peu le volume autour de l'émotion de Zachary. On peut dire ça, ouais. Un peu comme un architecte. Et c'est ça qui fait aussi la chose très intéressante entre eux deux. C'est qu'ils n'ont pas du tout la même culture musicale. Et effectivement, Teddy a une espèce de mathématique, enfin un truc assez... Hein, non, je peux dire ça comme ça. Alors que Fred, pas du tout mathématique. Ah non, il est nul, il a toujours été nul en maths. Fred, c'est un authentique bluesman. Moi, je ne me réclame pas du tout bluesman, hein. Moi, je ne suis pas un bluesman. Hein. Mais Fred en est un, par contre. Et du coup, l'association des deux comme ça, à mes côtés, c'est vraiment un honneur qui me font de m'accompagner. Et ils t'accompagneront dans quelques minutes encore sur la scène du Blues Café. On va passer l'heure avec vous, donc on aura l'occasion de parler de ce nouvel album Giant Bear. Juste pour nous, le temps de parler d'un artiste qui sera présent le 9 juin lors de notre Blues Party. C'est un guitariste vraiment hors pair, c'est monsieur Hansel Lister. Oui, c'est le chouchou de ces dames déjà, un grand fan. Les femmes et les fans l'adorent. Dans le monde du blues rock, on peut dire que c'est la finesse, justement, puisqu'on parlait de tendresse et de douceur. Hansel Lister, c'est un peu la finesse. Je dirais que souvent, les guitaristes de blues rock mettent leur voix au service de leur guitare. Lui, c'est un peu l'inverse. Il met la guitare au service de sa voix. C'est mélodique et c'est vraiment excellent sur scène. Et ce sera presque inédit parce que c'est quelqu'un qui tourne énormément en Europe, mais très peu en France. Et il est relancé par une agence de booking et qui a tenu à ce que qu'on soit la première date pour Hansel Lister, parce que ils aiment notre blues party, vous l'aimez aussi, et nous aimons Hansel Lister. Just like a drug needed to ease the pain. a level head to keep you sane. Or a player used to play again. Yeah, and I know. Like a drinker needs a fix, every user you need to hit. And I know. Desperation needs someone. Enzé Lister, elle sera à découvrir à la Blues Party, c'est le 9 juin ici à l'île d'Abo. La programmation est sur le www.bluesactu.com. Sur la scène du Blues Café, il y a maintenant Zachary sous les applaudissements du public. Say that everything you told me was a lie. Your shitty promises could have been shy. I drink some strong stuff that makes me feel safe enough, but it leaves me pretty quick. leave a toast with your ghost? Did I hit the ground? Am I down? Am I high? I kill the bouncers, not gifted to say goodbye. Ce soir, son premier Blues Café. Il sort un tout nouvel album qui s'appelle Giant Bear. C'est Monsieur Zachary. Sister, and the laughter of a names of a father, maybe unborn children's names. Give me the thought of his kin and of a letter to send, and I might go on my walk again. Vous êtes bien dans le Blues Café Live, nous sommes ici en direct du Millennium, c'est à l'île d'Abo et nous sommes ce soir avec Zachary. Il y a également Teddy Elbaz au clavier et Fred Bruce à l'harmonica. On va demander à Zachary de nous rejoindre ici, on va continuer de parler avec lui de ce tout dernier album. C'est son tout premier album d'ailleurs. C'est un album qu'on a beaucoup apprécié, on te l'a déjà merci. Dit. Merci Francis, de bien en bon. Prononcer le nom en tout cas, parce que j'ai un journaliste qui m'a dit quand même... Géante. Non, il m'a dit quand même une bière géante. Ah oui, bière c'est géante. Bizarre quand même. Comme, c'était un fantasme. Peut-être, je sais pas. Ça fera l'objet d'un autre album en tout cas, c'est certain. Ou alors un autre alcool plus fort, peut-être. Et c'est un album qui s'écoute un peu différemment qu'un autre album, je trouve. C'est comme une histoire, comme une histoire et des petits contes, comme si c'était des petits clips. Je sais que tu as eu une autre vie où tu étais d'ailleurs réalisateur vidéo. Et ça ne m'étonne pas, quand on a découvert l'album, en fait, il y a une illustration, par exemple, qui illustre chacune de tes chansons. On a vraiment cette impression-là, c'est vraiment quelque chose que tu as souhaité. Oui, l'aspect visuel, c'était important, et important également pour Z Production, qui produit le disque, et qui a à cœur de faire des objets, enfin des vrais objets, quoi, pas juste des disques, enfin voilà, qui sont souvent accompagnés d'un travail comme ça, graphique. Et là, Olivier Bonhomme, un ami à moi, excellent illustrateur, a donc dessiné... autant d'illustrations qu'il y a de chansons. Il faut dire que ces illustrations sont remarquables, voilà. Sont absolument magnifiques. Et rien que pour ça, on achèterait l'album. Ben oui, même plusieurs éventuellement pour oui, plusieurs, d'autres gens de la famille. Même sans musique à l'intérieur, je veux dire. Oui, tout à fait, oui. C'est un album du coup, qui sort en vinyle et également en digipack avec un livret de 28 pages. C'est vrai que c'est pas très courant. Ça, ben voilà, ouais. Il y a d'un côté le texte et de l'autre côté l'interprétation d'Olivier Bonhomme de ses chansons. Et effectivement, quand tu parles de petite histoire, sans avoir un fil vraiment conducteur très précis, le disque commence par une chanson qui est un guitare-voix et qui parle d'un garçon seul. Ça s'appelle Staying at Home et c'est la seule reprise. En fait, c'est un morceau de Fats Waller. Et ça parle d'un garçon qui attend une femme qui ne reviendra pas. Et finalement, l'album, c'est un peu ce garçon dans son intimité qui va se mettre à rêver d'autres vies. Au fil des morceaux. Il y a des morceaux qui sont un peu plus terre à terre et d'autres qui sont même carrément perchés. Alors dans ce disque, il n'y a pas que des gens, il y a aussi beaucoup d'animaux. Hein. C'est un véritable bestiaire, si je puis dire, parce qu'on y a relevé des ours, des moufettes. Alors je ne savais même pas ce que c'est, j'ai été me renseigner, c'est une sorte de putois. C'est un putois, voilà. C'est dans la chanson que j'ai faite tout à l'heure qui s'appelle Drunk as a Skunk. Et ouais. L'expression, donc c'est, en gros, c'est notre sous comme un cochon. Sauf qu'en anglais, ça peut donner sous comme un putois, quoi, comme une moufette. D'accord, ça doit sortir en plus. De lions aussi, des milliers d'oiseaux. Alors pourquoi tous ces animaux? Parce que WWF a financé l'album. Non, bah voilà, c'est faut être clair. Non, je sais pas, en plus, les animaux, j'aime pas bien ça. Voilà, c'est dit, il n'aime pas les animaux. J'espère qu'il y a des défenseurs de la Ligue animale. Non, si, j'aime bien les animaux, je veux qu'ils vivent. Quels sont finalement les thèmes récurrents de tes chansons? Je pense que de façon détournée ou non, c'est vraiment moi. C'est un truc très impudique et très nombriliste. C'est vraiment moi le. Oui, tes émotions. Ce que je suis. Tes animaux. Mes animaux. Bon. J'ai pas j'ai pas un milieu d'oiseaux, ni d'ours, ni de lion, mais j'ai un chat chez moi. Une moufette peut-être. Qui m'inspire beaucoup. Non, la moufette, on m'a dit d'éviter, c'est dommage. Mais c'est moi, et puis c'est ce que parfois je rêverais d'être, ou alors c'est un moi fantasmé parfois, des fois c'est un moi, c'est le vrai moi. Alors on se posait d'ailleurs la question de savoir pourquoi tu écrivais uniquement en anglais, parce que on sent que les textes sont importants pour toi. Il y a une vraie poésie dans les thèmes que tu abordes qui pourrait aussi s'exprimer en français. C'est pas quelque chose que tu apprécies? Si, oui. Le fait que je chante en anglais ne veut pas forcément dire que je chie sur la francophonie, par exemple. En français dans le texte, là. Oui. Passez-moi l'expression. Hein. Non, j'adore la chanson française. Moi, j'ai aussi grandi avec ce pan-là de la musique. Mais je sais pas, ça s'est fait comme ça, en tout cas. Et toi, tu chanter en français, c'est pas quelque chose que naturellement tu... D'accord. Si, il y a des choses que j'ai chantées en français. Il y a des morceaux avec un petit peu de français dedans. Et puis, qui sait, peut-être le deuxième album aura un petit peu plus de francophonie dedans. Alors, on a parlé tout à l'heure de... Comment il s'appelle ? Olivier Bonhomme, pardon, j'ai oublié le nom. On en reparlera peut-être dans la troisième intervention, justement, de tout ce qui est ce dessin. Mais sur le disque, en écoutant, on a vu aussi qu'il y avait... On a entendu, plus exactement, qu'il y avait d'autres musiciens. Donc, tu ne restais pas limité au trio. Il y a des cuivres. Il y a même du violon, je crois. Qui sont-ils ? Pourquoi ? Alors, et ben là encore, c'est vraiment Z Production qui est à remercier, puisque j'ai eu vraiment carte blanche sur l'enregistrement de l'album. Donc, on a fait appel à Julien Jusset, qui est un extraordinaire musicien et qui a fait beaucoup des arrangements, qui a fait pas mal d'écritures, et puis avec qui on a tissé vraiment un boulot pendant quelques mois très proche. Et moi, j'avais des envies de cuivre à gauche et de cordes à droite. Lui, il en avait d'autres et voilà. Alors il y a un morceau où il y a profusion de trompettes, je trouve, même de violon, c'est le morceau Pirate. Ah, il y en a trop. On en a trop mis peut-être alors. C'est ce que je me disais. L'autre fois, j'aurais écouté, mais c'est on a abusé sur les trompettes. Tu vas nous faire le plaisir de le refaire peut-être. Je vais peut-être le ressortir. Avec un peu moins, mais que dit cette chanson ? Alors là, c'est Pirate. C'est Pirate. Donc, c'est un morceau que je ferai tout à la fin là de la. D'accord. Et ça, c'est ma chanson de des amis là, de l'amitié, mais de l'amitié alcoolisée. Les pirates sont... C'est nous, c'est vous, c'est toi, et toi également. Mais en tout cas, les pirates, c'est les pirates de Lyon, là, les pirates modernes qui sont dans les rues de Lyon, parce que je suis lyonnais du coup, et qui sont sous, et qui ont devant eux... Enfin voilà, là encore, c'est un fantasme du quotidien, quoi, c'est-à-dire de ce genre de moment d'amitié profonde et bourré mais sincère. Zachary est avec nous pour nous parler de cet album, donc Giant Beer, là on n'est pas très loin pour le coup, cette fois je peux le dire. On va parler encore de la blues party pour parler de ce groupe qui sera notre tête d'affiche. Francis, il va falloir que tu en parles aussi bien que tu as parlé tout à l'heure de Hansel Lister et tu as mis la barre très haute. C'est monsieur, j'allais dire, oui. C'est Malted Milk, qui n'est pas un monsieur mais qui sont plusieurs. Oui, Malted Milk, c'est l'une peut-être des cinq meilleures formations de soul, de funk et de blues en France. C'est une grosse machine de groove avec à sa tête un type extrêmement talentueux, d'une humilité incroyable, Arnaud Fradin. Un magicien du son, un psychopathe même du son, parce qu'il a son propre studio, il fait aussi les mix certaines émissions. Et puis, cette machine est relayée par des cuivres, par des claviers, et par une chanteuse qu'on a réussi à faire venir, parce que Arnaud pousse un peu cette chanteuse, qui s'appelle Le Bacon, et qui apporte, il la laisse bien placée, elle n'est pas là uniquement pour chanter derrière, il la met bien devant, et l'ensemble est assez magique, ils seront 8 sur scène, donc ça fait du monde, et si j'en vois un qui ne danse pas sur les rythmes de Malted Milk, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Hein. Rendez-vous sur le www.bluesactu.com pour voir toute la programmation de ce festival et ainsi que les vidéos. Nous on écoute Touch You juste avant de retrouver Zachary ici au Millennium de l'île d'Abo. Thank you. Retour ici au Millennium de l'île d'Abo avec sur scène Zachary. Merci beaucoup. Je vous remercie tous bien chaleureusement de votre écoute. Et maintenant, on va parler d'océan. How many stories have flowed through your purple veins as I see you finally free of chains. Oh mom, why could you not remember when I told you she's so pretty? Concert en public au Millennium de l'île d'Abo, 100% blues. C'était ce soir le Blues Café de Zachary qui sort un tout nouvel album qui s'appelle Giant Bear. Merci beaucoup à lui, merci à Teddy et Fred qui étaient également à ses côtés. Merci à l'équipe du Millennium qui nous accueille chaque mois. Merci également à Tienbo et au studio Magnetic. Je crois que tu as remercié tout le monde, mais peut-être pas le public. Merci à vous, public, en tout cas. On vous rappelle que vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com et toute une série de radios partenaires. N'hésitez pas, en tout cas, à aller voir le programme. Nous sommes ici tous les deux mois. L'entrée est libre et gratuite. Limite des places disponibles et il n'y en a pas toujours beaucoup de disponibles. On laisse la place à Zachary pour un dernier morceau et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao, ciao, bye bye. Voilà, c'est les pirates. C'est le morceau de pirates. Une très très bonne fin de soirée à vous. N'hésitez pas à me demander mon disque. Soyons des amis sur les internets. Portez-vous bien. through the night under street lights. We are pirates, my friends, leaving our sea songs to echo until daylight, while we are heckled by the waves. I've never felt such pride. Promise me you'll call my name. Promise me.